veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Le groupe Belussi, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono Week-end. Après cette page musicale, j'espère que vous avez passé une très très bonne journée. On est très en forme, vous aussi. Je sais que vous sortez du travail et vous venez peut-être juste de nous rejoindre. Mais restez sur Fly FM, une heure et demie de sport tout au long de cette émission. Et bien, on va dérouler le film de ce week-end sportif. Vous allez voir tout en lumière, tout en éclairage avec un DJ Bougon ce soir qui est exceptionnel. On va voir s'il est en forme. On change un petit peu la donne ce soir. Tout à fait, je vous remercie, je te remercie. Hein. Bonjour aussi à nos auditeurs de Fly FM et à toutes ces dames et ces messieurs. Avec moi, mon incontournable monsieur sport, c'est Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Eh bien ce soir, nous n'aurons pas nos charmantes dames qui nous ont fait faux bon. Elles reviendront la semaine prochaine. J'embrasse Marie, j'embrasse Monique. Et à la technique, Gilles qui est assez loin, même s'il nous écoute de l'autre côté de la planète, du côté des, de la Réunion, pardon. Eh bien c'est François, le directeur d'antenne, qui s'est collé un petit peu à la technique, dont il connaît tous les secrets, puisqu'il était... technicien fut un temps de Top Chrono. Ah, c'est exact, depuis 9 ans maintenant. Eh oui. Tout va bien, la foire de la Cécifrine, c'est très bien passé. 3 jours qui se sont déroulés, super bien. Et j'espère que vous aussi vous y êtes allés, chers auditeurs, parce que il y avait le stand de Fly FM et on était très heureux de vous accueillir et vous avez pu connaître un petit peu toute l'équipe de Fly FM ce soir, place au sport. Juste une petite chose, oui. Frédéric de Vincent, qui nous a rejoint pour venir en renfort ce soir dans l'équipe. Alors, Top Chrono. Je n'osais pas le présenter, mon cher Vincent, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, Vincent qui sera l'un des techniciens un petit peu de Fly FM et peut-être qui viendra avec nous souvent, pourquoi pas partager un moment de sport dans cette émission, venir faire la technique puisque tout le monde a droit à la parole dans cette émission. Ce soir, présentation un petit peu du sommaire. En handball national 3, Mazan a gagné. Mais Mazan doit convaincre encore pour pouvoir remonter dans les trois premiers de ce classement de national 3 féminine. En basketball national 1, le SAP Avignon est encore une fois, badaboum et catastrophe. L'entraîneur est viré, on va dire. Il prend la direction de Nancy, il semblerait qu'on y ait trouvé une porte de sortie pour quitter cette nationale 1 du SAP d'Avignon, où rien ne va plus, puisque le week-end dernier, ils ont pris encore à nouveau une petite fessée, comme on dit. Et on aura bien sûr, on l'espère dans quelques minutes, Stéphane Nao de Vichy, cet entraîneur qui était l'entraîneur du SAP d'Avignon, mais qui est resté un grand ami de Fly FM, et nous verrons que ce garçon a su rebondir du côté de Vichy. On l'aura dans quelques minutes. En rugby à 15, la SBC a gagné son dernier match aller du côté de Voiron. Nous recevrons bien sûr ce soir dans cette émission toute l'équipe de rugby. Je peux vous assurer qu'on va pousser les murs dans quelques minutes puisqu'on devrait avoir les dirigeants, on devrait avoir le président et on devrait avoir aussi des joueurs. On reviendra bien sûr sur tous les résultats de ce rugby à 15, fédéral 3 et les séries. En football, monsieur Henri, on l'attend toujours, il devrait arriver aux alentours de 19h parce qu'il est souvent Henri, l'homme qui tombe à pic avec les résultats du football. Le rallye du Var, Florian Bernardi fait 6e, Manu Guigou finit 10e mais 3e dans sa catégorie. Bravo aux deux Vauclusiens. Nous verrons en détail ce qu'il en est des résultats de ce rallye du Var. En athlétisme, encore une fois, Bibi Bougon et Muriel Hurtis. Muriel Hurtis, un palmarès comme on peut le dire, long comme ses jambes et malgré tout 35 ans, encore jeune, plus jeune athlète, mais maintenant elle est dans la région pour représenter le Crédit Agricole. On en parlera un peu plus tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était un moment mémorable à pouvoir partager avec elle le vendredi soir à Entraigues et toute cette équipe de judo avec disons Philippe Roux, le coach principal, son épouse qui est la présidente. Nous avons pu faire un aperçu et j'ai pu faire des aperçus à la fois au niveau des photos. C'est fini, et aussi, c'est bon, on se retrouve. C'est bon. C'est le meilleur. Merci. On va revenir avec le rugby à 13, juste avec Jean-Yves. Est-ce qu'il y avait quelques infos sur le rugby à 13 ce week-end, juste pour le sommaire? Pas grand chose, Fred. Simplement, peut-être revenir sur un événement qui est passé un peu sous silence la semaine dernière. L'intégration pour la première fois de l'histoire d'une équipe italienne dans un championnat de France. Ça, ce sera le clin d'œil de la soirée. Pas de magazine Horizon. Marie reviendra la semaine prochaine avec un tas de rendez-vous. Vous verrez, ça sera exceptionnel et on connaît son efficacité dans ce domaine. Eh bien, aux alentours de 19h25, j'en perds un petit peu le fil. C'est focus sur notre magazine. Le club de l'ASBC sera à l'honneur ce soir. Il y aura le joueur, il y aura le président Philippe Damignani qui sera avec nous. Il nous parlera bien sûr de cette saison qui a démarré. Fly FM est bien sûr partenaire de ce club pour toute la saison puisque nous diffusons les matchs en direct sur Fly FM. Et puis ça sera le mot de la fin de toute l'équipe. Voilà, Top Chrono est prêt. Vous êtes bien installés. Attention, c'est parti pour 1h30 de sport. Top Chrono, handball. Allez, on revient un petit peu dans ce championnat handball de National 3. On regardera un petit peu l'après-national pour savoir ce qu'ont fait les filles. Eh bien, il n'y avait personne qui jouait. Il n'y avait que la National 3. La soirée, c'était bien sûr la 7e journée de championnat. Les résultats de la soirée, Grasse recevait Cagnes, défaite 27-20. Bourg-de-Péage recevait Clermont-Salle, ils ont gagné 31-17. La Croix recevait Marseille Nord, ils en ont fait de même, ils ont gagné 38-30. Hier, Trébuchet à domicile, face à Plan de Cuc, 30-34. Mazan a gagné l'étoile Beauvallon, un concurrent direct, 23-21. Bouillargues, Ajaccio, dos à dos, 24-24, le match nul. Premier, c'est Bourg-de-Péage, 21 points. Deuxième, Bouillargues avec Mazan, avec Plan de Cuc, avec Clermont-Salagou, avec Cagnes. Jean-Yves, on peut dire que ce championnat est très compliqué puisque de la 2e place à la 6e place, on a tous le même nombre de points après 7 journées de championnat. Ouais, c'est un peu un truc de fou, Fred, parce que à part une équipe qui se détache un petit peu avec 6 points d'avance, Bourg-de-Péage en l'occurrence, mais effectivement, tu l'as dit, on retrouve 5 équipes qui se tiennent dans le même nombre de points. Et tout ça se départage un petit peu au goal average positif, au goal average négatif. C'est un petit peu ça nous promet une belle fin de championnat en tout cas, parce que c'est super compact et il va pas falloir faire de faux pas sous peine de se retrouver un peu à la cave. Et on espère retrouver Carl Vinsono. Il nous a promis qu'il viendrait juste avant les fêtes de Noël nous parler de ce club de Mazan. Et bien sûr, on prendra note puisqu'on ira vous faire partager un de ces soirs l'un des matchs et surtout cette ambiance dans ce COSEC de Mazan où c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on vous fera vivre sur ça, sur les antennes de Fly FM. Top Chrono. Top Chrono. Basket. Ah, basket, on va y rentrer. Je peux vous assurer qu'on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet ce soir. Dans quelques minutes, on aura Stéphane Daou. Mais pour l'instant, en revenant à ce National 1, Jean-Yves, juste peut-être les résultats de cette soirée. C'était la 13e journée et déjà, on peut dire que le SAP Avignon, ça ne va plus du tout. Ah, on va avoir sûrement le micro là, de Jean-Yves. Merci. Voilà, merci. Oui, les résultats de cette soirée pour commencer, avec les Jet Vosges qui bat Chartres sur le score de 96-71. Angers qui s'impose à Vitré 61-56. Le Centre Fédéral qui subit une nouvelle défaite face à Saint-Vallier 70-85. Le SAP qui s'incline lourdement à Gries-Oberschein sur le score de 68-80. Lorient qui bat Rennes 75-63. Chaland qui subit une défaite sur son parquet face au leader de la poule Schuffelway sur le score de 83-75. Andrézieux qui subit la loi de Rueil sur le score de 100-82. Et Quimper qui atomise Caen 94-77. Au classement, Quimper est premier à égalité de points avec Schuffelway, troisième Rueil, quatrième Saint-Vallier, et on retrouve tout au fond du classement, 14e, le SAP d'Avignon qui est en grande difficulté. Et ce soir, on a appris que Monsieur Lautier, pour peut-être pas être vulgaire avec lui, cet entraîneur prendrait la route de Nancy, là où l'air est un petit peu plus frais et peut-être les vitamines seraient plus aguerries à sa nouvelle donne. Peut-être. Alors, écoute, il y a deux paramètres à prendre en compte là-dessus. Lautier a travaillé avec, il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, avec le nouveau président de Nancy. Ça crée des liens. Dans une autre époque, ils avaient fait équipe ensemble. Le nouveau président de Nancy vire son entraîneur, Alain Weiss, monsieur. Il sollicite Lautier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Difficile de savoir ce qui s'est réellement passé. Toujours est-il que, à mon humble avis, Fred, ça arrange tout le monde parce que les résultats de Lautier au Sapavignon, eh ben, c'est juste minable. On va dire les choses comme elles sont. Oui, c'est catastrophique. Le type est arrivé, il voulait révolutionner la planète basket dans le Vaucluse. Il n'a rien révolutionné du tout. Il a voulu imposer sa patte. Manifestement, c'était pas comme ça qu'il fallait s'y prendre. Et puis finalement, d'une équipe qui avait les ambitions de jouer les qualifs, on se retrouve avec une équipe qui a l'ambition maintenant de ne pas descendre. Ça va être compliqué parce que 18 points, le 17e n'a que 17 points. Donc la charrette, là, il va falloir faire gaffe. La tristesse de tout ça, messieurs, c'est qu'on se retrouve avec un club qui est boiteux, qui risque tout doucement glisser vers la Nationale 2. Et bien malheureusement, c'est triste, mais je ne vois pas, à part qu'on change encore d'entraîneur, puisque normalement le Sable d'Avignon est dans ce domaine-là. Heureusement que Stéphane Dao, qu'on va retrouver dans quelques minutes, lui, il n'a pas subi la foudre, parce que c'est un entraîneur aujourd'hui qui brille avec Vichy, puisqu'il recevait le leader hier soir dans leur salle qui s'appelle Foss. On va l'avoir dans quelques secondes. Juste pour finir sur Avignon, ouais, le Ponté. On s'oriente vers une solution interne. Voilà, alors on va se retrouver avec. Et je doute que la fin de la saison, on retrouve encore un nouvel entraîneur, parce que c'est un petit peu un club qui fait sauter un petit peu les verrous. Chaque fois, c'est l'entraîneur qu'on fait sauter, et pas les joueurs. Peut-être que c'est ni les joueurs ni l'entraîneur qu'il faut faire sauter, Fred. Bon, revenons un petit peu sérieusement. On a notre ami Stéphane Dao, cet entraîneur qui m'a fait aimer le basket, lui, son père, quelqu'un que j'ai apprécié pendant 7 ans pratiquement avec les Aigles de Sorgue, puis après le Sable d'Avignon, qui m'a fait aimer ce sport, et donc maintenant je prends un immense plaisir à le regarder. Je suis un peu frustré parce qu'on parle du Vaucluse. Lui, il joue aujourd'hui à Vichy, et je le félicite. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Stéphane, ça fait très plaisir d'entendre cette voix sur Fly FM, parce que c'est un entraîneur qui a laissé beaucoup, beaucoup de choses en Vaucluse. Eh bien, on ne peut pas l'oublier. Et on est très heureux aujourd'hui parce que tous les soirs dans cette émission, on a un petit œil averti du côté de la Pro B. Ce week-end, vous receviez à domicile Foss, qui est quand même un leader incontestable, puisque journée de championnat, 7 victoires et une petite défaite de 3 points. Elle est là, certes, mais ça a dû être pour le leader une soirée compliquée, parce que je connais Stéphane Dao, il n'a pas dû lâcher le morceau, comme on dit. Non ? Oui, non, vous avez raison. Mais on sentait un peu les joueurs fatigués cette semaine à l'entraînement. Contre Fos, on sait qu'il faut être à 100%. Donc de toute façon, si on avait pris ce match, ça aurait été un petit hold-up, pour dire ce qu'il est. Fos méritait largement sa victoire. Ça me fait d'autant plus plaisir de le dire, parce que c'est un club du Sud. Donc voilà, mais on était resté sur 4 succès consécutifs. Et voilà, on a enclenché une bonne dynamique et tout va très bien. Comment va ce Vauclusien de Vichy, cette nouvelle donne, la Pro B, une dimension supplémentaire? On voit sur les réseaux sociaux et sur Internet un petit peu l'entourage d'un grand club qui est Vichy. Oui, bah, tout est différent, hein. Les structures sont différentes. Voilà, par exemple à Vichy, vous avez 7 personnes qui travaillent à temps complet sur son marketing, sur la communication, sur... Après, il y a un président qui est là pour chapeauter, mais qui laisse aux sportifs les choix du sportif. Voilà, s'il engage des gens, c'est pour leur faire confiance. Comme ça, ils peuvent être responsables de leurs résultats. À partir de là, voilà, c'est un club qui est très structuré. Puis on le voit tous les samedis, c'est une ligue qui est magnifiquement organisée. Et voilà, c'est que du bonheur d'être là. J'en doutais pas une minute, Stéphane, hein, puisqu'on se connaît depuis longtemps. Moi, j'ai bien vu comment les Aigles de Sorgue ont évolué pendant ces années. Chaque année, je me présentais en début de saison, pratiquement un groupe nouveau. On dit qu'on garde, on est une ossature toujours pour ne pas perdre un petit peu le fil du jeu ou de ce qu'on veut donner comme résultat. Et bien, Stéphane Daou, pour ça, c'était, j'ai souvent dit, un off, un phénomène, parce que avec un groupe venu de tout horizon, il arrivait à les faire fonctionner et leur donner une dynamique pour aller de l'avant et avoir, qu'on appelle ça, un résultat sportif des plus convaincants, quoi. Hein. Champion de France en National 2, on a vibré dans cette Coupe de France comme jamais. J'espère le revivre en Vaucluse, mais pour l'instant, malheureusement, le Sable d'Avignon, dont tu étais l'entraîneur l'année dernière, nous laisse pas pratiquement un peu d'espoir. Même si c'est un petit peu triste ce que je dis. Non, moi je suis peiné de la situation, je vous le dis sincèrement, hein, parce que voilà, j'ai passé 7 superbes années à Sorgue. Exact. Avec beaucoup d'engouement, beaucoup de passion. Voilà, j'ai eu 2 années après qui ont été difficiles, hein, c'est un secret pour personne. Maintenant, ça. Voilà, le seul point positif que j'en retire, c'est que là, j'ai pris une équipe voilà, que je n'avais pas constituée finalement, puisque je n'ai pas en cours. Et voilà, je me dis au moins, le seul point positif qu'il y a eu en 2 ans, c'est d'avoir pu. Voilà, là j'ai pris l'équipe, j'avais pas fait le recrutement, donc c'était pareil au Sable Vaucluse, je faisais pas le recrutement. Donc au moins ça a été positif pour ça, c'est un point de satisfaction. Et bien entendu, les joueurs que. Toujours l'engagement et les joueurs que j'avais sous ma direction, après avec qui j'ai toujours eu de très bons rapports. Ah, exactement, ouais, c'est vrai qu'on est tous un petit peu attristés. Stéphane, c'est vrai que c'est une question, peut-être Jean-Yves va intervenir. Bonsoir Jean-Yves. Stéphane, sans vouloir rentrer dans la polémique, parce que ça serait complètement inutile, bien sûr, mais comment est-ce que toi, de l'extérieur, tu analyses cette situation un peu au SAP avec un entraîneur grande gueule, des structures qui sont un petit peu bancal, tu l'as souligné toi-même la différence qu'il y a avec l'étage au-dessus. Comment est-ce que toi tu l'analyses un petit peu cette situation et l'échec en cours là? Bon, je pense, non mais l'entraîneur après qu'il soit de grande gueule ou pas, je pense que Sylvain Loutier a fait ses preuves dans le passé, donc je suis pas là pour juger le travail de l'entraîneur. Je pense qu'il a déjà fait ses preuves, je pense que l'équipe est de qualité. Voilà, maintenant, c'est toujours pareil. On peut avoir une très belle voiture, un bon chauffeur. Si la personne qui est chargée de mettre de l'essence dans la voiture oublie son job et décide de prendre la place du pilote, ben, c'est un gros souci, et c'est ce qui se passe au SAP. Il faut arrêter de toujours en parler en off. Donc, moi, je me permets de le dire. Je pense qu'il faut que tout le monde reste à sa place, et je pense pas que ce soit le cas. Les solutions, je l'ai évoqué tout à l'heure quand Fred m'a posé la question, qu'est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'il faut changer l'entraîneur et les joueurs. Je l'ai dit moi aussi, je dis c'est peut-être ni l'entraîneur ni les joueurs qu'il faut changer, mais quelqu'un d'autre. On y arrive petit à petit, on sait que ça pêche au niveau du management à l'étage au-dessus. Qu'est-ce que la solution est peut-être là, et si c'était le cas, est-ce que tu envisagerais de revenir s'il y avait à nouveau un départ avec une équipe de dirigeants cohérente, on va dire? Écoutez, c'est pas la question de savoir. Moi, tout le monde sait que je suis attaché à Sorgue. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis le premier à redire que l'union, pour moi, est indispensable, ne serait-ce qu'au niveau financier. Hein. Donc, je ne vais pas dire que l'union était une mauvaise chose. L'union est mal gérée, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, à partir de là, comme je dis, c'est... Il faut que chacun reste à sa place dans tous les domaines. Il n'y a pas de raison qu'avec un entraîneur qui a déjà fait ses preuves et une équipe, et un entraîneur maintenant qui veuille partir, qui souhaite partir. Voilà. On ne postule pas dans un club si on s'y sentait bien. Donc, les entraîneurs déroulent depuis quelques années, hein, que ce soit à Avignon ou après à l'Union. Donc à un moment, il faut se poser les vraies questions. Moi aussi, mais Stéphane, je rebondis sur ce que tu dis, parce que j'ai vécu, comme je disais tout à l'heure, en début, 7 ans auprès d'Avignon, j'ai vu un président qui s'appelait Jean Bellucci, et que je passe le bonsoir ce soir, un personnage attaché au basket, qui aimait ça, qui aimait vibrer au bord de terrain, mais qui laissait le plein pouvoir aux sportifs de faire ce qu'il fallait faire. Et je crois que seul le résultat était là, et heureusement, et même j'étais très fier puisque le résultat était là, et c'est l'essentiel de la chose quand on est entraîneur et quand on gère un groupe, qu'un président donne un petit peu le bras, les pleins pouvoirs à son entraîneur, mais qui lui laisse les clés du camion, comme on dit. Bah, comme je dis toujours, la fonction d'entraîneur, on est responsable de ses résultats. Exact. Donc, le budget qui doit être donné à un entraîneur pour faire une équipe, l'entraîneur doit faire une équipe dans le cadre du budget. Maintenant, voilà, sinon l'entraîneur ne peut pas être responsable de ses résultats. On ne peut pas dire à un entraîneur, t'as pas fait une bonne saison s'il n'a pas choisi ses joueurs. Voilà. Donc, après, je pense que le métier d'entraîneur, recruteur, c'est un métier. Voilà, si c'était pas un métier, je pense qu'il y a déjà des gens qui seraient au bord du terrain au Stade Vaucluse. S'il ne fallait pas avoir de diplôme, je pense que peut-être que certaines personnes sont déjà en train de coacher. Donc, maintenant, voilà, moi, c'est... Comme je dis, être responsable de ses résultats, oui, c'est notre profession qui le veut, et c'est normal. Maintenant, on est responsable de ses résultats quand on choisit ses joueurs. Ça ne peut pas aller plus loin. C'est une attaque contre personne, c'est simplement une apalissade, ce que je suis en train de dire. C'est une évidence totale. Voilà. Et c'est... Oui. Ouais, c'est normal. Cette réaction est tout à fait normale parce que quelque part on est, ça fait plaisir parce qu'on est attaché un petit peu. Les entraîneurs vous diront ça. Voilà, ouais. À l'intersaison, je suis allé voir parce que j'ai décidé de prendre une sabbatique au début pour aller voir travailler des coachs. Voilà. Et comme je dis, on apprend de tout le monde, mais là c'est plus apprendre. Je m'étais dit que j'allais voir travailler plusieurs grands coachs, dont Zvezdan Mitrovic, avec qui j'ai eu la chance d'être très bien accueilli, qui est l'entraîneur de Monaco. Et il m'a dit exactement la même chose. Quand on a parlé du phénomène du recrutement, il m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit, un entraîneur qui ne recrute pas, il n'a aucune obligation de résultat. Il dit, mais que ce soit en France, en Yougoslavie, aux États-Unis, c'est partout pareil. Il dit, maintenant, voilà, c'est un métier. Voilà, c'est pas une passion. C'est pas une passion. À un moment qu'on est dans un monde professionnel, c'est un métier. Stéphane, merci beaucoup. Peut-être j'arrive encore. Non. Moi, j'ai été content d'entendre Stéphane à nouveau. J'espère que Pierre va très bien, Stéphane. Oui. Ouais, il faudrait passer mon bonjour parce que c'est un père charmant et qui, lui aussi, m'a donné beaucoup, beaucoup de satisfaction quand on parlait basket avec lui parce que c'est un livre du basket. Enfin, moi, je voudrais simplement rajouter quand même, excusez-moi. Hein. Oui, vas-y. Et voilà, que je souhaite vraiment le meilleur à cette équipe, parce qu'il y a beaucoup de joueurs avec qui j'ai toujours des attaches. On n'en doute pas, Steph. Puis même au nouveau que j'ai... Parce que je pense que dans le Vaucluse, il y a moyen de faire un bon club de basket, un grand club de basket, et que le Vaucluse le mérite. Donc, je souhaite vraiment le meilleur à cette équipe. Et je pense qu'elle a encore la capacité et les moyens de rebondir en connaissant certains de ses joueurs. Je sais que c'est des gars qui lâchent rien. Et que ce soit avec Sylvain, qui est un bon entraîneur, ou avec un nouvel entraîneur, je leur souhaite vraiment de la réussite. Et ça, c'est... Je resterai sorgué dans mon cœur. Donc, ça fait plaisir. Voilà, on n'efface pas 7 plus 2, on va dire 7 ans, d'un coup. Et j'ai pas envie que le basket disparaisse dans cette région. Voilà. Merci Stéphane pour ces mots. On sent vraiment que... C'est des mots du cœur, c'est un passionné, un amoureux de basket et un grand entraîneur, attention, il ne faut pas oublier ça, qui vient de nous rappeler qu'on espère que le SAP Avignon s'en sorte et que les dirigeants grandissent. Merci pour ta disponibilité, Stéphane, à très bientôt, j'espère. À très bientôt, avec plaisir. Merci beaucoup. Salut Stéphane, merci. La pub. Top chrono, rugby à 15. Allez, ce soir, rugby à 15, Fédéral 2. Ben oui, on devait recevoir le club de la SBC. Ils sont déjà là. On a le président avec nous. On va parler un petit peu de cette journée de championnat Fédéral 2. On va dire, qu'on appelle ça, l'élection du président va bientôt avoir lieu. Trois présidents qui sont en course, on va dire. Un candidat pour la présidence, c'est la personne de, rappelle-moi Jean-Yves. Doucet, Camus, Laporte. Merci, voilà. Le président Philippe Damignani, plus grand club du Vaucluse pour l'instant, en Fédéral 2. Cette élection va être, on va dire, à couteau tiré. Ça va être compliqué cette année. Ça peut changer quelque chose selon le président qui va être élu à la fédération. Bah, écoutez, moi, ça me... Le micro, oui. Pardon, là. Bah, écoutez, moi, ça ne me changera pas grand-chose, je pense, mais nous avons notre opinion, on va la garder jusqu'au bout, parce que c'est quand même mieux comme ça pour que tout le monde soit tranquilles dans leur choix. Mais quand tu fais une radiographie un petit peu du rugby dans le Vaucluse, on a besoin un petit peu de dessuyer les plâtres et de faire autre chose que ce qu'on fait aujourd'hui, parce que on va dire en deux mots que c'est compliqué quoi pour avoir un grand club. Ben, c'est très compliqué. Bon, surtout que ben, à l'heure actuelle, les petits clubs de national comme nous sont souvent pillés financièrement comme les joueurs. Et au lieu de nous aider, on nous prend de l'argent. Mais je ne sais pas si un changement de président, ça changera grand-chose. Voilà. J'espère que n'importe lequel qui sera comme président pense un jour au club de national comme nous, hein, qui nous aide plutôt que nous prendre des sous pour faire avancer les choses et de donner à tous les grands clubs qui n'en ont pas besoin. J'arrive. Ouais, bah écoute, moi je suis complètement d'accord avec ce que dit Philippe, bien sûr. Je fais aussi partie de ce club et bien sûr qu'on a besoin de redonner au club la possibilité de pouvoir de gérer leur club comme il faut. Bien sûr qu'on a besoin de redonner au club la possibilité de former des gamins, mais une fois qu'ils sont formés, de pas se les faire piller gratuitement, parce que c'est juste scandaleux quand on voit ce qui se passe par exemple au foot, où le premier club de Martial qui est parti à Manchester il y a l'an dernier, et ben touche tous les mois il me semble que c'est aux alentours de 100 000 euros grâce aux quelques années qu'ils ont donné. Et ben probablement que si des clubs comme Bédarrides ou même d'autres petits clubs à l'échelon en dessous avaient une petite manne financière, ben ça leur permettrait d'une part de continuer à former des gamins, d'une part de se structurer un peu plus que certaines le font, et puis voilà, ça serait pas de l'argent qui serait mis dans les poches, c'est pas dans la mentalité du rugby. Les dirigeants ne sont pas là pour se foutre des ronds dans les poches, ils sont juste là pour essayer de faire progresser leur club et de les faire grandir. Et si tu avais cet argent-là, clairement, ça aiderait tout le monde. Mais c'est pas que le seul problème, malheureusement. Allez, on va revenir, on y reviendra tout à l'heure sur le rugby. On parlera un petit peu de cette belle saison qui s'annonce pour la SBC. Revenons un petit peu sur les résultats. On jouait la 8e journée de championnat. Dans cette poule 4, Saint-Jean en Royan recevait hier Carqueran. Victoire 26-19, tandis que Saint-Raphaël Fréjus recevait Montélimar. Eux aussi ont gagné à domicile 39-20. Château-Renard, Nice, c'était un petit peu le match qui était surveillé. Eh bien, c'est Château-Renard qui l'a emporté 28-24. Et la seule victoire à l'extérieur, à Voiron, c'est l'ASBC qui est allé chipper les 3 points précieux pour finir, on va dire, pratiquement en tête, puisque quand on regarde, on a juste hier Carqueran avec un point. Ils ont moins gagné de match, mais ils ont plus pris de points de bonus offensifs. Hein, Jean-Yves. Ouais, c'est le constat qu'on faisait ce matin, Fred, et probablement que c'est le constat qu'a fait Philippe depuis quelques temps déjà, mais c'est un petit peu ralent parce que ça fait, on l'a souligné quelques fois depuis le début de la saison, il y a eu quelques victoires où la SBC aurait pu souvent plus tuer le match, les entraîneurs eux nous en ont parlé, où on aurait pu avoir des victoires plus larges et ça aurait fait quelques points de bonus en plus, et c'est ces points de bonus là qui permettent aujourd'hui à hier Carqueran d'être devant au classement. Alors que malheureusement, Bédarrides qui a gagné plus de matchs est derrière à la seconde place. Le président, peut-être réponse un petit peu à ça. C'est vrai que, bon, on est sur un objectif, tout à l'heure on va l'entendre, parce que dans quelques secondes, ça va être Babylone qui va reprendre, puisqu'on était allé le voir hier soir, on a fait le point avec lui. Qu'est-ce qu'il en pense de cette analyse ? Ben, l'analyse, elle est bien, mais bon, je suis, on m'aurait dit en début de saison, tu seras second avec une seule défaite au match aller et une défaite bonifiée, je signais de suite parce que notre tableau n'était pas très avantageux avec deux gros morceaux en début de saison. Tu sais pas où est jaugée ton équipe. Donc moi je suis ravi, fier d'eux et fier du boulot qu'on a fait ensemble quoi. Après bon, que ce soit premier ou second à un point, il paraît que hier Carqueran était un gros morceau, mais ils viennent de perdre deux matchs. Le gros morceau, ça serait peut-être nous. Bon, ça va être un peu flatteur ou quoi, mais c'est la vérité. Je veux pas faire non plus Le choix des entraîneurs, parce que ces entraîneurs, ils sont en train un petit peu de mener cette ASBC là où ils veulent. Il va nous le rappeler dans quelques minutes, Michael Babylone. Ça veut dire que c'est un jeu stéréotypé, très puissant. On essaie pratiquement de rentrer dans le match à 100 à l'heure pour essayer d'asphyxier un petit peu l'adversaire. L'autre fois, eh bien, on était mené au score, mais on a connu un nouveau ASBC qui est allé chercher la victoire, qui a su écraser son adversaire qui était Saint-Jean-Royan et le battre, on va dire, potablement, même efficacement. Et bien voilà, ça c'est aussi une nouvelle donne. Et les entraîneurs, il me semble que ce choix des deux entraîneurs, ils vont sur du long terme. Le championnat est une chose, et il y aura les phases finales. Et je pense que dans leur ligne de conduite, ils vont mener cette équipe au top niveau pour les phases finales. Est-ce que ça se ressent? Bah écoute, oui, ils font un boulot colossal. Et c'est ce que je voulais des gars qui travaillent dans le long terme, dans le fond, et ils y sont, quoi, dans le vrai. Bien sûr qu'on s'est donné des objectifs, c'est d'essayer de monter en Fédéral 1, et je le dis parce que je veux vraiment y aller, quoi. Ça serait parfait pour le club. Il y en a qui disent non, il ne faut pas y aller, mais c'est compliqué de ne pas y aller et de dire à tes joueurs que tu recrutes, surtout on restera en Fédéral 2. Moi, j'ai envie qu'on monte, j'ai envie de voir au-dessus, j'ai envie de donner du rubis de première division amateur dans le Vaucluse. J'ai une question et puis après on écoutera. Non, juste revenir sur le choix des entraîneurs, parce que Dieu sait si lorsque Philippe a contacté Wyatt et Mabilon, il a été décrié, il a même été presque entre guillemets moqué. On allait chercher pour entraîner une équipe de Fédéral 2 des entraîneurs qui avaient rien gagné en Fédéral 3, qui avaient passé des saisons galères avec le Ponté, et puis finalement ce choix s'avère payant parce que ces deux entraîneurs ont des idées plutôt sympas sur le rugby. Ils aiment le beau jeu, mais en même temps, comme le signalait Philippe, les mecs ils bossent en profondeur, ils savent où ils veulent aller, ils ont vraiment une ligne directrice, et puis c'est, voilà, ça donne raison à Philippe d'être allé chercher ces deux mecs là. Encore une fois, Dieu sait si le choix avait été un petit peu décrié. Victor vient de nous rejoindre, Philippe, juste deux choses. Mabilon, quand même, juste pour rappeler, quand même, c'est un grand joueur. C'est un grand numéro 10. Il ne faut pas oublier que c'est deux entraîneurs quand même qui sont jeunes et qui ont de l'envie. Et le choix, il a été quand même bien raisonné. On a bien réfléchi. On n'est pas parti comme ça. Moi, je suis allé voir deux, trois matchs du Ponté. Je peux vous dire qu'ils faisaient un boulot monstrueux. Et je pense que c'est des entraîneurs dans quelques années qui seront très, très cotés. Moi, je suis content de travailler avec eux parce qu'ils nous font du bon boulot. Ouais. Ouais, ben on va juste retrouver Michael Abidon. Il vient d'arriver Victor Langlade. Il y aura bien sûr Mathias Damignani qui va venir tout à l'heure, le joueur de l'ASB. De l'ASB, c'est bon, nous rejoindre dans quelques minutes. Pour l'instant, on écoute Michael Mabilon. Michael Mabilon, l'entraîneur de seniors de l'ASB. Ouais, et bien on revient avec une victoire. Donc on fait 7 sur 8 sur les matchs aller. Voilà, le contrat est rempli. On passe les fêtes au chaud. Mika, on fait le compte, une seule défaite. Je crois que la SEB, tout compte fait après mon départ dans cette poule 4. Quand on y regarde, est-ce qu'il y aurait une planche de travail pour la suite? Parce que bon, maintenant, on est en train de faire un petit peu les bilans. Oui, alors il y a beaucoup de travail parce que les matchs ne sont pas tous aboutis. Et en plus, bon, on a reçu beaucoup. Après, on a gagné chez les deux promus, donc on va dire qu'on a fait le job avec plus. La force de cette équipe, c'est dans des matchs un petit peu compliqués. On ne va pas le retenir, ça n'a pas été peut-être un grand match. Mais on arrive à gagner. Seul, on retiendra la victoire. Ouais, bah, je pense que c'est l'état d'esprit de l'équipe, des joueurs. Voilà, ils sont solidaires. Le groupe ne change pas trop d'année en année, en fait. Donc, c'est vraiment des bons gars, et voilà, ils bossent cette année, on les a mis un peu plus au travail peut-être. On a pratiquement 2 mois d'arrêt là, on va couper pendant 2 mois, est-ce qu'on va rester sur cette dynamique ou on va vraiment couper pour que les garçons retrouvent un petit peu de calme? Ouais, il y a 6 semaines de off, donc là on va couper une semaine, après il y a des sélectionnés qui vont partir avec la sélection de Provence, et on va repartir vite au boulot, voilà, on va rattaquer un deuxième championnat avec Mini et Trèves, donc les équipes vont bosser, on fait le point sur les... On va repartir sur un autre championnat avec 5 déplacements durs. Et c'est bien d'avoir pris les points d'avance. Moi, tu penses que la deuxième partie du championnat sera un petit peu plus compliquée ou... Parce que bon, on va pas se cacher, quoi. Les matchs aller, on va dire que c'est... Je ne vais pas dire que ça a été facile, mais tout vous avez bien géré, quoi. On s'est rendu certains matchs faciles. Ça c'est bien. Après, je vais signer tout de suite si au match retour on fait 7 sur 8. Sachant qu'on va chez nos. On se déplace chez les 5 concurrents directs pour les premières places. Voilà, on voit qu'aujourd'hui Saint-Jean a gagné hier. Voilà, Château s'accroche. On va aller. Après le premier bloc des matchs retour, on a 3 déplacements ailleurs, à Château et à Tricastin. Là, on va vraiment savoir où on va cibler les matchs. Voilà, pour l'instant, les 4 premières places sont bien engagées. Le but de la qualif dans les 4 premiers, c'est. Est bien parti. Quand on parle un petit peu de cette équipe, on s'est aperçu quand même que cette année, il n'y a pas trop eu de blessés. C'est-à-dire que l'avant-préparation a été peut-être bonne, ou peut-être que tu as su faire des bons choix, ce qui t'a pénalisé pas beaucoup de blessés dans cette équipe. Oui, on en a quelques-uns, mais non, mais pour l'instant, peut-être un peu de chance aussi. C'est vrai que, bon, préparation, j'espère qu'elle sera bonne. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas pris de rouge, donc des suspendus bêtes. On a pris une suspension de Chouchane. Dans l'ensemble, pour l'instant, tout va bien. Tous les voyants sont au vert, on n'a pas de blessés graves. On va pouvoir refaire revenir un peu 2-3 blessés, Chourot, Lénard pour les premiers matchs. Bon, non, tout va bien. Quand on fait le bilan, l'année dernière, tu étais avec Avignon-le-Ponté. Aujourd'hui, tu es avec la SEB. C'est quoi qui a changé dans cette alchimie? Le contexte global du club aux alentours, là, ce qui a été fait avec l'ancien club. L'année dernière, en fait, on faisait un semblant de travail avec Chris. On était un peu dans un groupe où on était presque joueurs. Il n'y avait pas assez de joueurs. Il y avait beaucoup de soucis extrasportifs. On est arrivé dans un club sain. Voilà, où il y avait déjà une dynamique. On a essayé d'entretenir la dynamique, essayer d'apporter notre petite touche personnelle. Bon, sans prétention, voilà, on essaye d'amener notre rigueur, notre vécu peut-être aussi du haut niveau. Voilà, pour l'instant, la chimie se passe bien pour l'instant. Le président de la SEB avait toujours un œil averti sur Mickaël Babylon. Il espérait un jour réintégrer la SBC. Aujourd'hui, c'est fait, quoi. Son bonheur pour Mickaël Babylon, c'est d'aller fasciner, aller faire un très très beau parcours. Moi, je suis de nature gagneur, en fait. Donc, j'ai horreur de la défaite. Quand j'étais joueur, c'était pareil. Et là, encore plus quand tu es entraîneur, parce que tu es à l'extérieur. Et des fois, ils me le disent, des fois, t'es pas pessimiste, mais je suis toujours vers l'avant. Moi, je me régale parce que je sens qu'ils sont à l'écoute et moi, j'aime faire progresser les gens. Pour l'instant, tout se passe bien. Voilà, oui, les phases finales, c'est le minimum. Alors, je dis pas qu'on sera champion de France, je dis pas qu'on va monter en Fédéral 1, loin de là, mais que les mecs ils se régalent et que les spectateurs se régalent, ouais, c'est ce qui m'importe. Joyeux Noël. Bonne fête à tous. Top chrono, volleyball. Non, on va rester au rugby et le volleyball, ce sera pour demain. C'est promis, on est bien revenu bien sûr dans le Top Chrono Week-end. On est en direct, bien sûr, depuis la rue de l'Hôpital. On est avec le président Philippe Damignani de l'ASBC. On a Victor Langlade de l'ASBC. Bonsoir Victor, comment tu vas? Ça va. Tiens, il va prendre peut-être le micro pour voir s'il va très bien. Le pilier de cette ASBC. On va te retrouver, Victor, dans quelques minutes. On va pouvoir, avec toi, discuter de cette belle demi-saison, puisque ça y est, on est fini les matchs allés. On va être dans les matchs retour. Est-ce que physiquement tu vas bien? Ben ouais, ça va. J'avais un petit doute avec le dos. Ça fait 2 matchs que je joue avec un peu le dos cassé, enfin, on va dire. Et je savais pas si j'allais jouer contre Voiron. Et au final, j'ai joué. Donc tout s'est bien passé. Alors Jean, il peut en revenir 2 secondes sur ça. Hein. Il me semble qu'il est plus incalme que l'année dernière, non? Ben ouais, c'est. On va prendre ce terme-là, monsieur. Il est neuf, ce type. Il a pas le capot a pas fumé une seule fois depuis le début de la saison. On le voit, Victor, on le voit. Manifestement, il prend énormément de plaisir cette année et en plus avec des responsabilités. En tout cas, il assume son statut de papa un peu du paquet d'avant et puis voilà. C'est plus le même Victor qu'on a connu la saison dernière. Probablement qu'on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, Fred. Voilà, on y reviendra, et bien sûr, on va continuer avec les résultats, puisqu'en Fédéral 3, quand même, il y avait la 9e journée de championnat. Berre recevait Privas, victoire 35-13. Givors et Meux remis. Rhône 15 et Ampuy, dos à dos, 18 partout. Les Angles recevaient Martigues, là aussi. Pourquoi ça a été remis, Jean-Yves? Terrain inondé. Ah, excusez-moi. Et bon repère. Alors là, c'est la plus grosse surprise du week-end, puisque le Ponté, entraîné par Roche-Benoît, je me trompe? Nico Roche, et Pigeot. Et voilà, qui ont gagné 44-11 du côté de Beaurepaire, mais rien ne va plus du côté de ce club, puisque les joueurs ne voulaient peut-être pas rentrer sur le terrain, c'est les murmures qu'on a dit. Est-ce que tout cela est bien réel, j'en sais juste rien. Bon, juste pour vous donner le classement, quand même, Berre est toujours leader avec 41 points. On retrouve Martigues, 29 points. Troisième Ampuy avec 28 points. Rhône 15 est quatrième avec 25 points. On recule un petit peu pour retrouver 6e, pardon, avec 21 points, Les Angles, et on retrouve 8e, Avignon-le-Pontet avec 14 points, et les deux derniers qui descendent, Givors et Emeux, se partagent les deux derniers en place, un avec 6 points, l'autre avec 5 points, c'est Emeux qui est bien dernier dans cette poule 9 de Fédéral 3. Poule 10, il y avait une journée de championnat, le seul mot d'ordre c'était remis, il n'y avait qu'un match qui s'est joué, c'est Vendre l'Espignan qui recevait la Valette, et le leader a gagné 24 à 19 du côté de Vendre l'Espignan. La Valette est leader. 9 journées, 9 gagnées. L'Île-sur-Sorgue qui fait un beau parcours. J'arrive avec Cavaillon qui reste, on va dire, un petit peu éloigné maintenant par rapport aux trois premiers. Ouais, ils sont un peu éloignés, mais au final, quand même, c'est une belle saison qu'ils font, Lille et Cavaillon, puisque 5 victoires en 8 matchs pour Lille, promu. Et Cavaillon aussi, 4 victoires en 8 matchs. C'est plutôt pas mal ce qu'ils font dans cette poule 10 de Fédéral 3, notamment l'Île-sur-Sorgue qui avait juste l'ambition de ne pas marquer mal. C'est ce qu'ils nous avaient dit là, quand on les a eus pour la montée. Et puis finalement, ils font plus que ne pas marquer mal. Ils marquent même très bien. On aura la semaine prochaine les dirigeants de l'Île-sur-Sorgue, puisqu'on devrait aller voir jouer les féminines de Velleron dimanche prochain en direct sur Fly FM. On commentera le match féminin de rugby à 15. Ça sera assez coloré. Ouais, ça devrait être un bon moment. En tout cas, on aura il faudra qu'on se mette au niveau, au rythme, parce que la Fédérale 2 déjà aujourd'hui c'est un rythme très très engagé au niveau des commentaires. C'est sans mettre ces dames dans le désarroi, pas du tout. Non. C'est très bien ce que le font, mais ça doit jouer légèrement un petit peu en retrait. Eh ben, détrompe-toi, parce que ces nanas souvent techniquement elles sont plutôt pas mal et souvent le balance beaucoup de jeux. Ça joue moins devant, c'est plus aéré, un peu à la façon de la SBC cette année. Allez, Mireille Latreille qui j'envoie un beau jour, on sera avec vous le week-end prochain. Avec nous vient d'arriver Mathias Damignani. Mathias, on regarde un petit peu les résultats d'honneur, on va y revenir parce que c'est des clubs que tu as joué contre. Aujourd'hui, ils jouent en division honneur PACA, ça veut dire un petit peu le rétrogradage qui s'est passé dans ces clubs, puisqu'il y avait une journée de championnat. Je vous donne les résultats. Uzès recevait Draguignan, victoire 33 à 12. Saint-Lontain en a fait de même face à Saint-Saturnin, 67 à 12. Fosse a perdu face à Monteux, 24 à 3. Monaco recevait Sisteron, défaite 30 à 12. Et Salon de Provence recevait Morillon, victoire 13 à 12. Premier dans cette poule, c'est Saint-Laurentin. Deuxième, le RC Draguignan. Troisième, l'Étoile sportive montilienne. Et puis après, on retrouve bien plus loin. Je regarde Saint-Saturnin qui est 7e avec 23 points. Bonsoir Mathias Damignani. Mathias, quand on voit Saint-Saturnin en division d'honneur, on voit Monteux, on s'aperçoit un petit peu que le niveau a un petit peu baissé au niveau adversaire, parce qu'on aime un petit peu les derbies dans le Vaucluse. Ouais, le niveau a augmenté. C'est de plus en plus compliqué financièrement, sportivement. Et c'est vrai que. Les clubs ont rétrogradé par rapport. Tu penses que c'est un amalgame de tout ça? C'est un ensemble. Le problème financier et de joueurs aussi, non? C'est un ensemble. La Fédéral 1 de l'époque est devenue Fédéral 2. La Pro D2 de l'époque, maintenant c'est du top 14. En fait, ça a beaucoup changé. Le rugby a été révolutionné. En Fédéral 2, c'est pas les mêmes salaires. Tout a changé. Le rugby, c'est plus. Je suis le plus fort, c'est les combats de coq, non c'est fini ça maintenant, ça joue rugby, ça envoie du jeu de partout, il faut faire venir des mecs à droite, à gauche, les mecs du village c'est plus compliqué maintenant, donc ça explique un peu tout ça, les petits villages c'est compliqué maintenant, il faut de l'argent. On le voit notamment avec là dans cette poule d'honneur avec Monteux et Saint-Saturnin, on a connu Monteux en Fédéral 2, c'est pas très vieux, hein, ça fait 2-3 ans. Saint-Sa, c'est un petit peu plus vieux, mais Saint-Sa, je crois qu'ils se sont jamais remis de leur montée en Fédéral 1, qui avait été juste pas préparée, et on reviendra encore là-dessus, mais une montée en Fédéral 1, comme nous le disait Philippe, c'est un truc qui se prépare, c'est un projet. Saint-Sa, il y a quelques années, il y a maintenant une dizaine d'années, ils ont eu la chance de monter en Fédéral 1, c'était pas prêt, Et depuis, eh ben, ils ont fait que descendre, s'écrouler, descendre, s'écrouler. Ils ont dû leur survie à une bande de passionnés. Il y a quelques mecs à Saint-Sac qui adorent le rugby et ils ont sauvé le club. Ça a été compliqué pour eux, mais voilà. Et cette année, ben, c'est encore bien plus compliqué. Ils ont pris un coup de massue sur la tronche contre Monteux il y a 15 jours. Ils ont du mal à s'en remettre. Et peut-être que Monteux aura un petit peu plus de ressources pour remonter à un moment dans quelques années. On y reviendra, on va y revenir tout à l'heure. Ne nous quittez pas, restez là pendant 15 minutes. On va finir les résultats sportifs. Et on reviendra avec le président Philippe Damiani, les joueurs. Pourquoi la recette marche? Pourquoi la SBC s'est mariée avec Châteauneuf-du-Pape pour devenir un grand club? Et pourquoi aujourd'hui ce club vibre en fédéral 2 et les autres ont descendu un petit peu? La manne financière y est pour beaucoup, mais aussi l'âme du club, l'envie, les joueurs qui ont envie d'écrire une histoire, qui ont envie d'apporter quelque chose à la SBC. Eh bien, on essaiera de découvrir tout à l'heure dans 15 minutes avec nous. Eh bien, on décortiquera l'ASBC qui risque peut-être, pourquoi pas, et on aimerait bien écrire une page d'histoire dans le rugby vauclusien depuis le RC Sorgue. Devinez pourquoi. La suite. Top chrono, football. Allez, on va parler un petit peu football. On va se retourner vers la CFA. Notre ami Henri n'est pas là, mais ça ira très vite, puisque le Pontet devait jouer contre Rodez. Là aussi, terrain impraticable et le match a été remis. Le Pontet qui a quitté, on va dire, la lanterne rouge qui a été remplacée par 7 à la 16e place. Puis ils sont 13e ce soir avec 12 points. Le leader, bien sûr, c'était Rodez avec 24 points. Cherchez pourquoi le match n'a peut-être pas eu lieu. Mais on croit savoir que tout compte fait, le terrain et la météo a bien fait les choses du côté du Pontet, Jean-Yves, il me semble, non? Et écoute, Fred, des fois la météo a la vertu de temporiser un petit peu, et en l'occurrence pour le Pontet, eh ben, cette grosse pluie était la bienvenue, puisque on le sait, ils sont en pleine reconstruction et un week-end de plus pour reconstruire, des fois ça peut faire du bien. En l'occurrence, connaissant le terrain de Fargues, même si c'est plus la pelouse d'il y a quelques années, ce terrain est largement capable d'avaler deux jours de pluie. Et décidément, et bien écoutez, on n'a pas de chance, puisqu'en Ligue Méditerranée Honneur, Pernes s'est déplacé du côté de l'IR2. Là aussi, le match a été remis. Juste quelques résultats, bien sûr, de cette Honneur. Ega Ardive recevait le Héros Menton. Ils ont gagné 1-0. Marignane et Gignac 2 recevaient Côte Bleue de partout. Salon Bélair, Saint-Maxime 1-0. Gémenos, Fréjus, Saint-Raphaël 2-1. Cannes, Saint-Rémy 1-1. Andoum, Saint-Jean-Beaulieu 1-1. Saint-Jean-Beaulieu est toujours leader dans cette poule Ligue Méditerranée Honneur. Il y avait bien sûr en DHR Courtais qui joue à domicile face à Zachary. Je ne sais pas qui c'est. Eh bien, c'est 1-0. Marseille. C'est Marseille, d'accord. Ok, mais oui, mais il y a tellement de clubs à Marseille que malheureusement, je ne retiens pas tous, moi. Le football, ce n'est pas l'une des tendons d'Achille dont je maîtrise beaucoup. Mais quand même, je m'y connais un petit peu. Dracigny recevait Martigues 2. Voici les résultats de la soirée de cette 7e journée. 0-0. Gap F05 recevait Carnoux 2-0. Premier canton recevait Marignane et Gignac 3-2-1. Mandelieu recevait Cap d'Agde. Ils ont perdu 1-0. Et Sola Marseille 2. Consola Marseille 2 recevait hier Carcarane, Lacroix, pardon, 1-1. Eh bien, en féminine ligue, nos joueuses de Monteux sont allées chipper la victoire du côté de Rousset. Cette victoire 1-0. Bravo, le remonté à la 4e place, tandis que Marseille 2 est toujours leader. Marseille 2 qui se déplaçait du côté qui recevait Nice à domicile. Ils ont gagné 2-1. Éloignons-nous pour nous retrouver dans le district Rhône-Durance, la PHA. Eh bien, il n'y avait pas de match. Et en PHB, eh bien, il n'y avait pas de match non plus. Voilà. Le foot, eh bien, c'est déjà terminé. Top chrono, sport mécanique. Allez, ce fameux rallye du Var qui s'est déroulé ce week-end, il y avait Florian Bernardi de Vauclusien, il y avait aussi Manu Guigou, Florian Bernardi qui courait sur une Peugeot 206 T16, préparée, on va dire, par des mains de maître, puisqu'il finit 6e de ce premier rallye. C'est l'anglais sur une Hyundai, et Jean-Yves est en train de chercher un petit peu les résultats, parce qu'il va me donner l'amplitude de ce rallye du Var. Moi aussi, je vais chercher sur mes petits papiers pour vous donner le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est Lefebvre qui était sur une DS3 qui a perdu pratiquement le rallye dans les premières spéciales. Il a raté un virage. Hein. Si vous voulez voir les images, eh bien vous irez sur les images de nos amis Sport Go Rallye. Eh bien, vous verrez bien sûr la sortie de Lefebvre avec sa DS3. C'était celle de Sébastien Loeb, l'ex Sébastien Loeb. Eh bien, lui aussi, il est sorti. Après, il y avait un nouveau leader qui s'était distingué. Est-ce que Jean-Yves va retrouver les résultats? Et bien sûr, Fred. Alors, allons-y, annonçons les résultats de ce rallye du Var. Juste pour souligner que c'est Abring, le Hollandais, qui a gagné ce rallye. Bonato, lui aussi, sur sa DS3, puisqu'il y avait deux DS3 d'engagés, il finira deuxième. Et après, je suis un petit peu déçu, parce que le problème, c'est quand on regarde un petit peu les résultats, s'il y est cette fois-ci, Florian Bernardi est bien sixième, Jean-Yves. Ouais, Florian Bernardi est sixième. Il a fait une belle course avec une auto qu'il avait du mal à appréhender juste avant le rallye. Il n'a pas eu beaucoup de roulage avec cette auto et malgré tout il a fait du bon boulot. On va signaler aussi, puisqu'on est avec les Vauclusiens, que Manu Guigou a remporté et fait second des R3 avec sa Clio. Ouais. Manu Guigou qui avait longtemps roulé sur des autos un petit peu plus grosses, qui a réduit un petit peu la voilure, mais il est toujours là dans les bons coups. Ouais, je regarde un petit peu les commentaires de mes confrères de la presse du Dauphiné Libéré, eux aussi parlent pas de tous les pilotes qui ont brillé, comme Florian Bernardi, c'était sa première participation sur une R5, il finit sixième, c'est pour ça que j'appuie un petit peu sur lui, parce que c'est un garçon qui a besoin un petit peu de lumière. On retrouve derrière Marc Gaillan avec sa sœur sur la Skoda Fabia qu'on retrouvera au prochain Monte Carlo, puisqu'il prendra le départ de Gap pour le rallye du Monte Carlo qui aura lieu à la fin janvier, on y reviendra puisque nous serons bien sûr dans ce rallye du Monte Carlo à partir du mois de janvier. Pour retenir un petit peu les protagonistes de ce rallye, on verra qu'on a vu que Roche, là aussi, il faisait un bon parcours. Hein, et il courait aussi lui aussi avec sa femme, puisqu'ils ont ils sont finis à la cinquième place. Et le quatrième, eh bien, il est connu, c'est Panizzi. Quoi, hein. C'est un personnage du rallye qui est archi connu. Quoi. Ouais, Panizzi qui roulait avec une 208 R8, R5, la même que celle de Bernardi, qui avait été louée à quelqu'un d'autre que Chazelle, me semble-t-il, puisque Bernardi loue ses autos chez Chazelle. Panizzi, voilà, on le connaît, hein, le mec, il a roulé en championnat du monde pendant plusieurs saisons. Il a été champion de France aussi à l'époque de la 308, si ma mémoire est... Non, la 306, si ma mémoire est bonne. Et ben voilà, on l'avait dit pour Sabi il y a 15 jours, Fred, on va le répéter pour Panizzi, mais quand tu sais tourner un volant, et ben, ça va, peu ça importe va, l'âge. Ça va plus vite. Allez, juste un petit clin d'œil, parce que ça, il aime mon ami Didier Bougon, quand on parle un petit peu du rallye de la Formule 1, un monstre erroné, son fils, c'est Rosberg. Après le père, c'est le fils. Après Keke Rosberg, et ben, c'est Nico Rosberg qui devient champion du monde de F1. Hier soir, je l'ai vu en direct. C'est quelque chose de fabuleux, parce qu'il avait tout le monde pleuré, quoi. C'était fabuleux. Enfin, Keke Rosberg, c'était en 82. Il avait gagné une course sur une Williams. Je me souviens de ça. Mais, les joueurs de rugby sont avec peut-être Victor aussi. Hein, ça parlait à Rosberg. Hein. Ouais, je regarde bien la Formule 1. Ouais, j'ai appris là que Rosberg était champion du monde et en fait c'est cette concurrence avec Hamilton là qui est passionnante, qui sont dans la même écurie et c'est vrai que il y a toujours du suspense à chaque Grand Prix. Il n'a pas triché Hamilton. Hein. J'ai vu les dernières roues, on m'a dit, de ce Grand Prix là. Hein, et bien, il n'a pas triché quoi. Il a joué son rôle. Il était parti premier dans cette course. Et il a tenu le rythme exprès pour que Rosberg suive un petit peu ce rythme. Il n'a pas triché, mais on a plaisir à voir Rosberg champion du monde juste parce que le type il respire la simplicité. Il a l'air d'être un bon mec, contrairement à Hamilton qui a attrapé un peu la melonite là et qui passe plus de temps à faire le malin qu'à rouler. Allez, on va revenir avec le rugby. N'oubliez pas, restez avec nous. Dans quelques minutes, on parlera de l'ASBC. On a Victor Langlade, Mathias Damignani avec nous, le président Philippe Damignani. Mais pour l'instant, c'est bip bip. Top chrono, rugby à 13. Ah, juste l'info, Jean-Yves, c'était pas Bibi, c'est toi cette fois-ci. Écoute, pour le rugby à 13, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme je le disais au moment de la présentation, simplement faire un petit coup de projecteur sur la Nationale 2. C'est-à-dire, on n'est pas loin là quand même du niveau de la mer. On est sur les dunes. Juste pour signaler qu'une équipe italienne dont le nom m'a échappé vient d'intégrer le championnat de France d'élite 2 et évoluera dans la poule de Cheval Blanc. C'est pas mal, c'est pas mal. Apt et Comon. Merci pour cette belle info. Tout compte fait, le rugby à 13 devient international. Alors, c'était déjà le cas avec dans le sens inverse, puisque les Dragons catalans à ce niveau, évoluent en Super League dans le championnat anglais. Mais effectivement, c'est la première fois que le championnat de rugby à 13, on va dire amateur, intègre une équipe étrangère, en l'occurrence des Italiens. Bon, après, ils sont pas très loin. Hein. C'est une équipe qui est du côté de Turin, me semble-t-il, entre Menton et Turin. Et ben voilà, c'est bien pour le rugby à 13, c'est bien pour le championnat de France, parce que ça donne un petit éclairage à la Nationale 2. Et puis, l'Italie, c'est un pays de rugby à 13. Peu de gens le savent, mais... Exactement, ouais. Contrairement, j'aurais cru que c'était juste, on va dire, un éclairage, et c'était le début d'une belle histoire pour l'Italie. Non. Alors, il y a longtemps qu'il y a des structures qui sont en place en Italie. Ils ont une équipe nationale, les Italiens, qui est composée majoritairement d'Australiens, qui ont des tontons, grands-pères, tatis et autres aïeux italiens. En l'occurrence, ils avaient quelques bons joueurs il n'y a pas très longtemps, la dernière Coupe du Monde. Merci Jean-Yves pour ces nouvelles du rugby à 13. On retrouvera bien sûr le week-end prochain. Place au carré vert, puisqu'il y aura le retour du championnat, Jean-Yves. Hein. Ouais, il y aura le retour championnat. On essaiera d'aller voir Entraigue de mémoire. Heureusement qu'il est directeur d'antenne, il a déjà pris note de qu'il va nous falloir beaucoup de matos. Revenons à la suite. Top chrono, athlétisme. Allez, Bibi Bougon ce soir. On avait quand même un rendez-vous vendredi soir qui était très sympa. C'est Muriel Hurtis qui rend des visites du côté du jeu du club de judo d'Entraigue. Elle a porté un joli chèque et en effet, les judokas ont été très ravis de la rencontrer à la fois. Tout à fait. Bah, disons que pour moi, c'était un grand plaisir quand Philippe Roux, qui est le coach principal et qui a monté ce club de judo à plus de 200 licenciés, son épouse qui est la présidente, j'ai rencontré également le vice-président et je me suis trouvé donc à notre ex-championne du monde, Muriel Hurtis, qui fait partie des meubles de l'athlétisme français. Je l'ai vu dans un journal, Muriel Hurtis, un palmarès long comme ses jambes, une tête de plus que moi, et on a pu discuter à la fois athlétisme et de son nouveau job, puisque sa retraite a été prise. Et de là, maintenant, elle réside à Aix-en-Provence et elle a représenté la région Rhône-Alpes-Provence au niveau du Crédit Agricole. Dans tout ton palmarès, tu connaissais Muriel Hurtis, tu l'avais rencontrée. Muriel, je l'avais vue sur des manifestations, ouais. Mais elle était plus connue déjà à 19 ans, 1er août 88 à Annecy, championnat du monde. La favorite, c'était une américaine, Shakindia Jones, c'est elle qui gagne, c'était la petite outsider. Elle est présente. 4 ans après, on la voit le 9 août 2002, championnat d'Europe sur 200, où là, elle améliore son chrono 22-43. Et où on la retrouve après? On la retrouve au mois d'août 2003 au Stade de France pour les championnats du monde, des championnats du monde d'athlétisme. Et là, le 4x100 français gagne. Muriel était présente. Ensuite, en fin de carrière, on la retrouve en 2014 à Zurich, toujours au mois d'août. 4x100, elle monte sur une distance supérieure et les Françaises nous font une course mémorable. Au Floria Gay, dernière relayeuse qui part en 4e position, finit 1ère. Mais c'est vrai que Muriel était en 2e position, elle a quand même donné un super témoin. Il n'y a que la 3e relayeuse qui tâtonne, qui est en 4e position avec un gros trou. Et Muriel, comme Floria Gay, ont fait un super travail. Et c'est vrai que nos Françaises ont été vraiment très impressionnantes. Maintenant, je me retrouve devant elle et on a pu énumérer un peu vite fait. Tu as ouvert les bras? Tu as essayé de... Je n'ai pas essayé parce que j'étais tout petit comparé à elle. On était tous sur les tatamis. Ce qui était marrant, c'est qu'il y avait le directeur de la région Rhône-Alpes-Provence qui était là du Crédit Agricole, costard, mais tout le monde était en chaussettes sur les tatamis. Ah, le maire d'Entraille, pareil, l'adjoint au sport, pareil. Mais quel plaisir de pouvoir discuter à la fois athlétisme et aussi cette leçon de morale qu'elle nous a passée au niveau des jeunes. Quand on voit toute cette panoplie de jeunes gamins qui sont d'entraigue et tout le boulot qui a été fait par Philippe Roux, pour eux, c'était une super récompense, à la fois le chèque, mais aussi la nouvelle ambassadrice du Crédit Agricole, qui était là pour parler à tous ces jeunes et aux parents. Donc c'était vraiment, pour moi, c'était l'apothéose pour le judo, puisque le Crédit Agricole est le gros sponsor du judo. Et ce qu'il faudrait, c'est que l'athlétisme attende un gros sponsor, puisqu'ils ont perdu Areva. C'est pas demain la veille qu'ils vont retrouver un sponsor comme Areva à l'athlétisme, puisqu'on attend, tu sais, comme tu le sais, le 17 décembre, les élections nationales pour le nouveau président de la FFA. Eh bien, en ce moment, ça y va au niveau des élections. Et il y en a qui doivent préparer les valises et d'autres. Tout à fait. On y va ? Tu nous as ramené Muriel Ortiz. Et voilà. Alors me voilà donc à la salle de judo d'Entraigues où j'ai rencontré Philippe Leroux, l'entraîneur et en même temps président du club de judo, et je suis en compagnie de Muriel Ortiz qui est venue remettre un beau petit chèque au niveau de ce club de judo qui est très dynamique au niveau de la région et puis aussi du département de Vaucluse. Muriel, quelle surprise de vous voir ici, puisque je sais que vous êtes une ancienne, une médaillée d'athlétisme. Quelles sont vos perspectives au niveau du Crédit Agricole? Bah écoutez, j'ai intégré le Crédit Agricole il y a maintenant bientôt 3 mois hein, pour développer le label Le Sport pour Valeur qui accompagne les clubs qui se distinguent dans la formation et la pédagogie auprès des jeunes, d'où ma présence ici en train, parce que c'est un club qui a été sélectionné et qu'on souhaite aider hein, pour l'accompagnement de tous ces jeunes, parce qu'ils s'investissent vraiment dans la formation auprès des jeunes de manière autour d'une pédagogie autour de valeurs qui sont importantes pour le Crédit Agricole. Très bien, donc l'avenir pour vous maintenant se présente bien, puisque ça fait 3 ans que vous êtes au Crédit Agricole, mais aussi y a-t-il encore des petits restes avec l'athlétisme et la Fédération Française d'Athlétisme? Oui, j'ai pas complètement coupé avec mon milieu qui reste encore très présent. Pour moi, je suis très investi auprès de ma fédération. Par contre, au niveau des compétitions, j'ai complètement coupé, les entraînements aussi, mais je suis très actif pour ma fédé. Alors, sans vouloir, lancer l'hameçon, mais y aurait-il quelque chose d'autre aussi vers l'avenir sur la région ou pour le Crédit Agricole au niveau français de l'Île-de-France? Au niveau de la France, il y a un partenariat qui se prépare avec la Fédération de judo. Donc le Crédit Agricole sera le partenaire officiel de la Fédération française de judo, donc ça au niveau national. Donc ça c'est déjà un beau partenariat qui se met en place. Et puis il y aura bien sûr d'autres choses, mais le premier à venir c'est celui-là. Très bien, je vous remercie. Je vois que vous êtes très demandé. Je vais vous laisser partir avec la municipalité et puis tous les athlètes. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, c'est tout un plaisir hein, de pouvoir discuter avec elle et puis avec tout. Tu as été perturbé par Muriel Ortiz, tu vois, et tu étais je me suis senti petit, hein, parce que c'est vrai. Combien, que c'est... Elle mesure combien? Elle doit être entre 1,85 et 1,87. Mais tu es pas petit, toi aussi? Je fais 1,77, mais bon, c'est vrai que d'une part par le palmarès et puis aussi par ces mots qu'elle a fait passer au niveau des jeunes. Surtout dans le domaine du judo et puis même pour le sport en vérité. Donc, on a trouvé un nouveau nom pour Didier Bougon. Ouais, Didier Montel. Mais merci. Non, je me disais que Muriel Ortiz, avec son palmarès, elle devait être super fébrile de se retrouver enfin à côté de monsieur Didier Bougon, mais Didier Bibi Bougon, mais. Bougonnier. Ouais, tu as la commentoise aussi, non? Tu étais? J'ai la commentoise, non, je n'y étais pas. Mais c'est vrai que pour cette 23e édition, la Folie Commentoise, quand même, c'était pas loin de 535 concurrents sur 2 parcours. Hein. Donc il y avait un 12 km et un 6 km. Bon, au niveau de la course des 12 km, c'est toujours les mêmes qui sont devant, hein, Brahim et Lucini avec Wadif et l'Oasis et Gilles Vigne de Cavaillon qui se sont imposés. Hein. Et à ma grande surprise, c'est que j'ai retrouvé Sandra Martin qui a fait une belle course. Pourtant, c'est une trailleuse, mais elle était présente sur du plus court. Et voilà. Ensuite, sur le 12 km, c'est Lionel Villerny qui s'impose devant Rémi Colliotte et Florence Roux. Et nous avions comme d'habitude, une même course le même jour, alors que le week-end d'avant, aucune course dans le Vaucluse. Et là, sur un dimanche, deux courses. Une à Apt, bon, un peu moins connue, mais la course des Lumières à Apt a fait quand même son petit esclandre, puisque Francky Conil, qui est un garçon qui est sur du trail, qui se fait plaisir, mais qui a été s'imposer donc là-bas. Hein. Francky qui gagne devant Eric Logier, qui est assez connu, et Mohamed Douarouani, qui n'est pas le premier venu. Donc ça prouve que cette course commence à prendre de l'ampleur. Ensuite, chez les féminines, nous avons Gabrielle Bonnet et Elodie Pierre, qui ont affirmer leur supériorité devant Yolanda, Aronzo, Aranz. Donc chapeau à ces dames, puisque moi je ne les connaissais pas, mais c'est un beau podium féminin. Et tant mieux pour cette petite édition de la course des Lumières, parce que je ne sais plus à combien ils en sont, mais ça fait pas tellement longtemps que c'est la troisième course, troisième édition. Ouais, tu as tout compris. Voilà. On est compris. Apporte bien son nom, la course des Lumières. Eh bien on y va. C'est Focus, le magazine de Fly FM ce soir consacré au rugby à 15. L'ASBC, l'ASB qui a écrit des pages d'histoire du rugby, aujourd'hui l'ASBC. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont mariés pour devenir un grand club avec une autre identité, Châteauneuf-du-Pape. Le président Philippe Damignani est à l'origine de ce mariage pour créer un grand club. Mais quelle est-il la recette pour pouvoir pérenniser un club comme ça ? Quand on voit le SM de Monteux en honneur PACA, quand on voit Saint-Saturnin en honneur PACA, quand on voit des clubs qui ont été huppés comme le RCS finir en deuxième série, quelle est la recette, président Damignani, d'une telle osmose entre les joueurs, les dirigeants et ce club qui monte? La recette, il n'y a pas plus de recette, et donner de leçons aux autres clubs, mais disons qu'on est des passionnés, on est arrivé à rester quelques passionnés ensemble. Qui viennent un peu de tous les autres clubs. Je parle des dirigeants surtout. Il y en a de Sorgue, il y en a de Monteux, il y en a de Bédaride, il y en a du Ponté, hein. Il y en a dans tous les autres clubs. Mais je ne donnerai surtout pas de leçons à tous mes autres clubs qui sont comme nous des passionnés. Hein. On a failli avoir une vraie crise à l'ASBC. Il faut pas négliger ça, puisque bon, les gens l'avaient rappelé, et malheureusement dans le monde du rugby, ben, tout le monde savait qu'à un certain moment, l'ASB allait très mal, avec un trou financier conséquent, et les passionnés ont été là, et le club est toujours là, et le club aujourd'hui a manqué peut-être la montée en Fédéral 1 l'année dernière, mais va peut-être écrire une page d'histoire avec des joueurs et un projet sportif qui est alléchant pour tout le monde. On est parti il y a 3 ans en arrière avec bien sûr quelques difficultés financières. On s'est réunis avec quelques clubs, j'aurais aimé que ça soit plusieurs clubs. Maintenant, j'en ai moins besoin de ce projet, d'autres clubs, parce que on s'est rendu compte que les clubs, en restant tout seuls, se sont retrouvés un peu esselés et ne sont pas arrivés à sortir la tête de l'eau. Alors après, il y a aussi le côté cette équipe 1. Le club, il y a aujourd'hui combien de licenciés dans ce club? On est à 300 licenciés. On a des équipes à tous les âges. Cette année, c'est notre fierté, notre grosse fierté, parce que il y a 3 ans, on était obligé de se mettre avec d'autres clubs, que ça soit en minime, en cadet et en junior. Maintenant, cette année, on est à SEBC et seul. Et ça, c'est une grande, grande fierté pour nous, parce que c'était pas gagné d'avance. Il faut pas oublier que nous sommes deux petits villages de 4000 et 2000 habitants. Et on est arrivé à mettre ça à tout seul et à faire des Belasquins avec les 6 autres clubs du Vaucluse. Didier, peut-être une question. Ah oui, justement, j'ai écouté les propos de Philippe Damignani. T'as su ouvrir et faire écouter à d'autres gens qu'il y avait besoin que le rugby revienne en terre de Vaucluse plus fort, de Bédaride. Et c'est dommage qu'une ville comme Sorgue, où c'était un terroir de formation à vivier, n'ont pas su t'écouter. Et quand on voit maintenant où ils en sont, ça fait mal au cœur. Oui, ça fait mal au cœur. Bon, après, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Bien sûr que moi aussi, j'ai trouvé que c'était un peu malheureux de ne pas pouvoir travailler avec eux. Mais pour le moment, je pense que d'un moment, on ne travaillera pas avec eux. Là, c'est fini, quoi, parce que on est arrivé à trouver une stabilité, on est arrivé à trouver ce qu'il nous fallait. Avec Châteauneuf-du-Pape, c'est quelque chose de très bien, que personne n'a su exploiter jusqu'à présent. On est arrivé depuis 2 ans, avec l'aide de Patrice Manicard et quelques vignerons, On est à 60 partenaires, c'est à peu près les plus grosses entreprises de la région qui sont parties avec nous. Et on rentre à peu près une par mois en ce moment. On fait ça sur 12 mois, où on invite tous nos partenaires dans les caves les plus prestigieuses, Châteauneuf-du-Pape, avec un grand repas, où ils invitent leurs clients, eux, à manger avec nous. Et ça plaît beaucoup. C'est pas sûr que le rugby leur plaise beaucoup, mais cette approche avec le rugby leur va très très bien. Oui, oui. Justement, à Châteauneuf, ils ont su comprendre ton message. Parce que moi, je vois tes juniors de ton équipe, qui l'année dernière étaient en finale du championnat de France, tous les mercredis presque, je les vois à Châteauneuf-du-Pape. Hein. Et ils exploitent bien les installations, et puis ça alors, y va. Hein. Alors juste, messieurs, je reviens un petit peu quand même, on va remettre le plat de consistance. Pourquoi Philippe Damignani, et lui seul, a pu réunir tous ces jeunes? La question est bien posée. Disons que quand on a la fibre, et quand on connaît le milieu... On a la fibre, mais c'est un joueur de rugby qui est resté au terroir ici. Combien d'années de carrière de rugby, Philippe Damignani? 30 ans. Voilà, juste 30 ans. 30 ans, porter le maillot de Châteauneuf-du-Pape, porter le maillot de Sorgues, porter le maillot de l'ASB. À partir de là, l'amalgame, les territoires rugby connaît, les rouages de ces petits villages, il les connaît. Et à partir de là, l'identité du personnage fait que ces gens-là viennent se rassembler autour de lui parce qu'il a porté les couleurs, il a défendu, on va dire, le terroir de ces villages. Ouais, et puis en plus... C'est ça, hein. Et puis en plus, il fallait un mec crédible pour porter ce projet. Il y avait... il faut pour porter un projet de fusion comme ça, et pas de fusion mais d'association, appelle ça comme tu veux, peu importe d'ailleurs, mais pour porter ce genre de projet, il faut quelqu'un de crédible, il faut quelqu'un qui soit respecté, qui n'ait pas été une pompe sur le terrain, qui sache parler, qui sache aller récupérer les forces là où elles sont, oublier un petit peu les faiblesses. Et puis voilà, et faire une amalgame. Alors bien sûr que des fois, Philippe, c'est un petit peu brut le discours de Philippe, mais en tout cas ça fédère, ça verrouille. Et puis, quand il faut partir à la guerre, en général, quand tu pars à la guerre, il faut partir avec un mec que tu as envie de suivre. Et probablement qu'il y a d'autres gens qu'on n'aurait pas eu envie de suivre. Je dis pas ça parce qu'il est là, mais pour avoir affaire avec lui régulièrement dans la saison, quand tu as besoin de quelque chose, tu peux aller voir Philippe, tu parles avec lui et c'est... C'est une bonne radiographie que fait Jean-Yves. Oui, mais écoute, c'est sympa, elle a l'air très flatteuse, ça me fait plaisir. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'essaie de rendre au rugby ce qui m'a porté toute ma vie. Le plaisir, le bonheur. J'en pleurerai encore parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je ne suis pas allé au rugby pour essayer de gratter quelque chose parce que le rugby m'a beaucoup apporté et je n'ai plus rien à gratter, mais à donner. Donc ça a été quand même, je veux dire, l'école de la vie. Quand je parle surtout avec le cœur. C'est vrai que je ne suis pas trop discuté, mais par contre, les gens, ils savent que si je dis que c'est blanc, ça sera blanc. Même si je me fâche avec mes meilleurs amis parce que je n'ai pas le droit de tricher, que ce soit dans la vie ou comme au rugby. Avoir une belle vitrine, une équipe une, parce que Victor est un joueur qui rêve de Pro D2 quand même. Hein. Il en a traversé beaucoup de clubs. Il a connu des grandes histoires de rugby. Pour l'avoir convaincu de venir partager, un moment d'histoire à la SBC, ça aussi, ça fait partie un petit peu du président. Ça fait partie du président. Victor va parler après. Père de Châteauneuf, donc de suite j'ai signé. Tu crois que c'est juste ça qui t'a fait signer à Benarine? Le premier rendez-vous, ça a été on va discuter autour d'un verre de Châteauneuf. Déjà, il a mis les... J'ai mis la barre au bout. Non, mais Victor, ça a été une fierté, une grosse fierté, parce que quand tu côtoies quelqu'un comme Victor qui arrive quand même avec un fichier qui a joué à Montauban, qui a joué en première. À Narbonne, qui arrive encore avec un contrat pro, et tu demandes de venir jouer dans un club de fédéral E qui est en pleine construction et qui est pas sûr de pouvoir arriver à relever ce défi. J'ai trouvé quelqu'un de charmant, qui est toujours charmant, et avec qui j'ai beaucoup d'affection et je partage beaucoup. Ces gens-là m'ont beaucoup apporté, parce que quand tu mets dans un club des cadres comme ça, ça donne beaucoup envie aux autres joueurs de venir le rejoindre. C'est peut-être ça la, la, une des recettes aussi, c'est de pouvoir doser, en tout cas, aller chercher des mecs comme Victor. Cette année, il y a pas que Victor, mais il y a des mecs qui arrivent comme Nouyagé, par exemple. Ça aussi, ça a connu le haut niveau. On va y rentrer dans le sujet, parce que on reste aux premières lignes. Tiens, vas-y, SBC. Là. Mais c'est pas que au-delà de la première ligne, l'idée c'est de d'arriver à convaincre des mecs qui ont Florian Chouraud, par exemple, qui était à Narbonne l'an dernier, Nouyagé qui arrive de Grenoble, Victor qui arrive de et puis les mecs se mettent au service du collectif, les mecs font le job et c'est juste bien comme il faut. Excuse-moi de vas-y, Victor. Parce que pour les joueurs de rugby, souvent, enfin moi j'en ai fait la meilleure expérience, c'est les projets. Les projets dans le rugby, quand on est joueur, quand on te dit tu viens, on a un projet, etc. On veut monter en Pro D2. Enfin, moi, je l'ai entendu avec Marseille, parce que j'ai été de l'expérience de Marseille en sortant de Narbonne, alors que j'avais des matchs de Pro D2 dans mon CV, j'avais plein de clubs qui m'avaient appelé. Et comme j'étais de la région, j'étais de la Provence, j'étais de Apt, et que le projet de Marseille me plaisait, quoi. J'y suis allé. Mais voilà, ça s'est cassé la gueule. Mais après, quand j'ai eu un autre projet, je suis allé dans les clubs confirmés, mais après, quand Philippe m'a appelé en me disant « j'ai un projet de Bédarid », voilà, il a réussi à me convaincre, mais au final, depuis 3 ans, ça fait que progresser. Et voilà, on est aux portes de la Fédérale Une, et donc au final, ça a marché, quoi. C'est ce que je disais quand je parlais de crédibilité du leader, du mec que tu as envie de suivre. Encore une fois, moi, je vais pas monter le mot à Philippe, on se connaît suffisamment, mais juste faire le constat que pour aller chercher ces mecs-là et pour leur exprimer ton projet, il faut être crédible. Et si tu n'es pas crédible pour aller chercher des Victor, des Nouyagé, il y en a plein d'autres. On ne va pas tous les citer, malheureusement. Ouais. Mais il te faut pas paraître comme une pompe. Et voilà, il faut être crédible vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis des mecs à qui tu vas demander de l'argent, vis-à-vis des institutionnels. Enfin, et après ce groupe qui naît de joueurs, parce que on a vu un joueur s'épanouir à la SBC en première ligne. Pourquoi je regarde Victor? Parce que bon, Victor a l'expérience de la première ligne, hein, c'est un pilier plus que confirmé. Vergne qui est devenu, avec cette première ligne qui est devenue solide de la SBC, avec Marquis, Victor Langlade de côté, de l'autre côté Vergne, un garçon, je veux dire, on sent qu'il y a une première ligne qui est on l'a déjà dit à l'antenne en direct, il y a des garçons qui se sont épanouis dans ce groupe. Parce que tu vois qu'ils prennent du plaisir, enfin, j'ai pas l'impression de me tromper, mais quand ces mecs-là, on a l'habitude de dire que le groupe vit bien ensemble. Alors souvent, ça sonne un peu creux quand tu l'entends de la part de footballeurs. Mais eux, ils le disent pas, ils le font. Eux, ils disent pas, on est une bande de potes. Regardez, messieurs, on vit bien ensemble. Eux, c'est juste les regarder sortir des vestiaires, se faire la bise, dire des conneries, boire des bières. T'as pas besoin d'aller plus loin. Et du coup... des Marquis, on n'a pas besoin de le présenter, mais des Vergnes par exemple, qui étaient un peu en dedans l'an dernier, eh ben, tu le vois, ils prennent du plaisir le dimanche quand ils rentrent sur le terrain. Tout le monde se régale et manifestement la mayonnaise prend. Philippe, Damiani, qu'est-ce qu'on avait oublié dans ce club? On a encore 40 secondes pour nous. Qu'est-ce qu'on a oublié? Juste avant de venir sur la saison. C'est que le club il vit bien parce que j'ai un bon groupe de bénévoles qui m'aident de partout, que j'ai à demander. Et ça, c'est très important, c'est ce qu'on a plus dans les clubs, c'est ces bénévoles qui sont passionnés de rugby comme moi, qui donnent beaucoup de leur présence et d'eux-mêmes. Merci d'être venu, on va passer maintenant avec les joueurs. Mathias Damiani va venir nous rejoindre et on va parler bien sûr plus jeu et surtout de ces matchs aller, puisqu'on arrive à la fin des phases des matchs aller. Pub! Ce soir, focus, on est avec bien sûr le club de la SBC. On est avec Victor Langlade, l'un des piliers, des poutres un petit peu de cette nouvelle ASBC, puisque cette année, on va dire qu'ils sont partis sur le chapeau de roue. Victor, notre première sensation cette année, c'est peut-être frustrant pour vos adversaires, mais on vous sent un petit peu plus déterminé et bien souvent, on va dire, les 20 premières minutes sont quelque chose d'explosif et dont ne sont peut-être pas tous habitués, la Fédérale 2, à subir les foudres de la SBC. Mais on s'en tiendra juste là, puisque le week-end dernier, on a eu une nouvelle donne de la SBC qui se fait mener au score et qui arrive par la détermination, par sa puissance, à renverser une équipe de Saint-Jean-Royen qui a fait comme les autres, qui sont partis avec la musette pleine. Ouais, on commençait fort les matchs. Saint-Jean-Royen, on l'a mal commencé, mais voilà, ce qui caractérise, c'est le caractère de l'équipe. C'est tout simplement, c'est la détermination de tous les joueurs. Parce que cette saison, on est acteur de notre saison, tout simplement. On a des entraîneurs qui nous ont responsabilisés, qui ont donné un carnet de route. Et voilà, bon, moi je fais partie un peu avec Guillaume, quelques anciens derrière. On accompagne les jeunes, parce que on n'a pas envie qu'ils nous suivent. C'est nous qui devons les suivre, quoi, parce que ils ont 20 ans, il y en a qui ont de grandes qualités. Tu parlais de Martin, voilà, Martin c'est quelqu'un qui il pourrait s'entraîner tous les jours, il pourrait jouer en Pro D2 sans problème. Enfin, je le sais. Mais voilà, on a un caractère et puis on a un objectif et on a des entraîneurs, ça se passe bien pour l'instant. Donc voilà, que ça continue, quoi. Alors cette dynamique, c'est vrai que Jean-Yves, tu vas y revenir, mais ce qui me plaît, c'est les piliers. Alors en principe, les piliers, tout ça, on ne les retrouve pas dans les trois quarts, sauf qu'aujourd'hui le jeu a évolué. Mais à Bédarine, on s'aperçoit que même Marquis peut jouer ailier. Il se met au service du collectif et tu te dis, tiens, là il y a quelque chose qui change, ça veut dire qu'il y a, comme tu l'as dit, les anciens qui se mettent au service de tous ces jeunes, comme Carrier et même j'oublie son nom. Tiens, Jonathan. Ergin, oui. Non, moi ce que j'ai remarqué, mais on l'a remarqué très tôt dans la saison, il y a une nouvelle façon d'appréhender le rugby cette année à Bédarrides, avec des entraîneurs qui ont dit aux joueurs, les gars, régalez-vous, faites-vous des passes, jouez, prenez du plaisir, à l'image de ce qu'on voit, Victor qui se permet de prendre un intervalle je ne sais plus dans quel match. Et il y a plein de trucs comme ça qu'on n'aurait pas vu ne serait-ce que la saison dernière. Et là on a vu des types qui se lâchent complètement. Et forcément, ben, quand tu te lâches, tu ne doutes pas. En tout cas, tu ne te mets pas en position de douter. Et puis, tu corriges tes adversaires. Et quand tu ne les corriges pas, eh ben, tu gagnes les matchs parce que tu y as cru. Parce que même si... c'est par moments un peu moins flamboyant quand il faut revenir à un jeu un peu plus restrictif, et ben ils sont aussi capables de le faire et de mettre un peu le frein à main. C'est peut-être l'expérience aussi. C'est un petit peu la surprise de vos adversaires, hein. Ils sont assez surpris sur ce plan-là, hein. Oui, ouais, ils sont surpris. Bon, à chaque fois, franchement, quand tu vois les adversaires qui viennent à Béda, ils nous regardent d'un œil. Enfin, bon, ils savent qu'ils sont à Bédarrides. Ils pensent toujours qu'ils vont prendre des nions dans la gueule, mais mais au final, ils comprennent vite. En fait, ils voient que c'est le président le plus agressif de tous. Mais non, et en fait, ils voient quand même du jeu, que ça développe du jeu, de l'intensité. Et voilà, on l'a prouvé sur tout ce début de saison. Alors, j'ai un petit mot à dire, justement, Victor, puisqu'il te parle de ton président. Ton président, dans sa musette, il n'a pas un peu du Guinoves? Le président du Guinoves? Non, mais il va dire que je suis en train de jouer du violon, mais à la base, on voit qu'il y a une construction derrière. Et il y a un travail de sable qui a été fait depuis 3 ans. Et à t'écouter, c'est un plaisir. Et moi, quand j'ai regardé samedi soir aussi l'équipe de France, c'était un plaisir. Oui, non, c'est un plaisir. Voilà. Non, bien sûr. Il y a du jeu, il y a Philippe, tout, il y a de l'envie. Et quand il y a quelque chose qui est dur en face, mais il y a du répondant chez vous aussi. Alors, Guinoves, je dirais pas que c'est un Guinoves. Je dirais plus que c'est le Bougelal du Vaucluse. On met un peu des œufs alors. Je dirais du plus que c'est le Bougelal du Vaucluse. Voilà. Ça, la demande de l'augmentation. Non, c'est Bougelal. Parce qu'en à t'écouter, il y a la passion du jeu. Et puis, il y a le Bougelal aussi qui a la passion de voir du beau rugby. Avec un président. Il est derrière nous, Philippe, voilà. Il nous soutient, quand on a besoin de lui, il est là, mais on lui rend sur le terrain, quoi, parce que bon, moi, Philippe, Philippe, la différence, c'est qu'il est arrivé, quand il a pris ce club, il n'avait rien à gagner, il n'avait rien à gratter, contrairement à plein d'autres mecs qui étaient arrivés avant, et contrairement à beaucoup de présidents, on en connaît, Fred... Je dirais une chose comme ça, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, qu'un président dans un autre sport était salarié, et c'est vraiment un petit niveau de football, il prenait 3500 euros par mois. Ben c'est la différence, c'est que Philippe c'est terrible. Philippe, il est arrivé au club sans avoir rien à gratter, il n'a rien à prendre dans le club, et en plus, il a joué au ballon, il sait ce que c'est, il n'a pas encore perdu pied, et... Mais c'est Philippe, je veux dire, quand je suis arrivé au club, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut faire avec ce club, quoi. J'ai dit, mais quand j'ai vu l'état du club, quand j'ai vu les premiers entraînements, tout ça, je me suis dit, il veut monter en fédéral 1 d'ici 3 à 4 ans. J'ai dit, c'est un fou. Alors, mais comme Christian Labitte, je me disais qu'il y a, quand j'étais à Carcassonne, fédéral 2, je fêtais le titre, je jouais à Narbonne, je fêtais le titre avec les joueurs de Carcassonne de fédéral 2. En fédéral 2, Carcassonne. Je me souviendrai toujours, et puis il m'a dit, non mais, moi je jouais en Pro D2 dans 4 ans. J'ai dit, mais c'est un fou. Eh bien, ils y sont, quoi, en Pro D2. Eh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, on a tout pour. Allez, réponse qu'on appelle ça au plaignant, Philippe Demigny, celui-là qui s'est fait représenter. Non, c'est pas au plaignant, mais c'est sûr que ça a été compliqué parce que j'ai pris ça par passion et j'ai pris ça comme un travail. Donc, je l'ai fait à fond. Et tout en plaisantant et tout, les joueurs, je regarde toujours leur profil de caractère, s'ils sont venus pour m'apporter beaucoup dans notre projet ou pour juste venir chercher un petit défraiement. Et c'est pas que la qualité, c'est le caractère du joueur. Après, ça a été compliqué quand on a pris le club parce que il fallait changer des habitudes. Il est interdit que les gens mangent sur la bête. On est tous des passionnés, on est tous des gens où c'est qu'il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, tout en restant des bénévoles. Après, ça a été dur quand l'année dernière, on perd à 80 minutes. À 80 minutes de monter en Fédéral 1, où je remercie tous les entraîneurs, que ce soit de la 1 et de la B. Tout le monde m'a dit, tu es un fou. On m'a tiré à boulet rouge dessus, je comprends. Je suis peut-être un fou, mais j'essaie de réfléchir. Pourquoi et comment? C'était pas pour me séparer des gens qui étaient adorables. C'était parce qu'il fallait qu'on monte d'un cran sur un projet sportif. Et là, je ne fais pas de cadeaux, même avec mes amis. Même si je suis quelqu'un de gentil, quand on parle d'affaires ou quand on parle de monter un club, il faut être aussi assez avec une grosse rigueur. Voilà ce que je voulais dire. Mais je sais reconnaître et je n'engueulerai jamais mes joueurs parce que les joueurs font partie de mon projet. Ils sont avec moi et eux, ce qu'ils aiment, c'est les victoires aussi. Victoire, on est parti quand on voit comment le championnat se déroule. Cette victoire, une seule défaite à Nice. Est-ce que cette défaite à Nice vous a fait retomber d'un cran? Ouais, tu te remets toujours en question après une défaite. Hein, de toute façon, ça c'est sûr. Mais voilà, faut pas oublier que on s'est déplacé 3 fois. On n'a fait que recevoir pour l'instant, mais on a fait le job, on a fait le contrat, on a rempli le contrat de belle manière. Le plus dur reste à venir là. Un déplacement à Yerkerkeren, Château-Renard. On a 4 matchs, là, c'est très difficile. Mais on est prêt. Franchement, on est prêt et les matchs à l'extérieur, ça va nous resserrer. Dans ces matchs aller, un premier match, un premier rendez-vous, c'était Château-Renard, deuxième journée. Il fallait faire voir que cette année, vous étiez un petit peu maître de votre sujet parce que Château-Renard arrivait un petit peu avec les dents longues parce qu'on disait. Oui. Voilà quoi. Bah, il venait, c'était le derby. Hein. Et puis le derby, ça, c'est toujours très spécial. Tu joues un derby, il faut le gagner à tout prix quoi. Donc, de toute façon, tu parles pas de ça. Il est arrivé tôt dans la saison. Hein. Oui, il est arrivé très tôt dans la saison. Mais là, à Château-Renard, parce que hier, Carcassonne, ça va être un match où il va falloir, se rassurer pour se déplacer encore à Château-Renard et sans blesser. Quoi. Ça, là, on peut toucher du bois, on n'a pas de blessés. Et pour attaquer la deuxième partie de saison, c'est primordial. Quoi. Jean-Yves, la dernière minute. Non, juste que. Voilà, il se passe un truc cette année dans ce club. Il y a des matchs qui sont compliqués à gagner et puis qui finalement sont fondateurs. On parle du match de Château-Renard. C'est un acte fondateur pour ce groupe parce que c'est le premier match où ils ont été obligés d'aller chercher, d'aller gratter un peu dans le dur et puis ça les a rendus forts. Il y en aura plein d'autres de matchs fondateurs. Mais en tout cas, le groupe là existe. Il est de qualité. Il y a des bons mecs à la tête de ce groupe. On n'a pas ou peu parler des entraîneurs, mais quand on voit le boulot que font Mika et Chris, et ben voilà, et puis sans oublier que il y a des mecs qui jouent à l'AB qui peuvent prétendre aussi quoi Victor, le meilleur est à venir puisque les matchs retournent, il va falloir accélérer. On a entendu tout à l'heure remarquer Mikaël, votre entraîneur, qui a dit on va en Fédéral 1, on jouera pas le titre, mais on va en Fédéral 1. C'est porteur de ce qui vous attend Est-ce que toi, en tant que joueur UP, tu vas sentir cette pression qui va monter? Les matchs vont s'enchaîner, il va falloir les gagner, parce que tout le monde va sauver sa peau dans cette Fédérale 2. Il y en a qui vont jouer pour se qualifier, voilà. D'autres pour ne pas descendre. Il ne faut pas baisser les bras, il faut avancer, il faut foncer. Et puis on va se qualifier, on va prendre les matchs. Le dernier mot pour le président. Après, les derniers mots pour le président. À la fin des matchs aller, être second à un point du premier et avoir 13 points d'avance sur le premier qualifiable, je peux dire que je peux passer de bonne fête parce que je suis déjà qualifié au moins sixième. Voilà, c'était avec l'ASBC. Sachez qu'on suivra particulièrement dans l'intégralité des matchs retour, puisqu'on fera le déplacement. Faye FM sera bien sûr au contact de l'ASBC pendant toutes ces journées de championnat. Et puis on aura bien sûr les phases finales. Ça sera le crunch, ça sera le gâteau, ça sera la cerise sur le gâteau, Jean-Yves, non ? Ouais, parti comme c'est parti, on est là jusqu'au mois de juin. Là. Et pourquoi pas, ici, ramener un morceau de bois. Et l'histoire se réfugie. Et pourquoi pas ? Oui, un petit rendez-vous, Didier. 3 décembre à 9h30 au Ponté pour une grande démonstration de marche nordique et le dimanche 4 à Baume de Venise pour la ronde du terroir. Tu gardes, bye bye. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Bélussy, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.bélussy.fr.